Ô Paris, grand foyer chaleureux, avec les tisons entrecroisés de tes rues et tes vieilles maisons qui se pendent au-dessus et se réchauffent comme des aïeules. Et voici des affiches, du rouge, du vert, multicolores, comme mon passé. Bref, du jaune. Jaune, la fière couleur des romans de la France à l'étranger. J'aime me frotter dans les grandes villes, aux autobus en marche. Ceux de la ligne Saint-Germain-Montmartre m'emportent à l'assaut de la butte. Les moteurs beuglent comme les taureaux d'or. Les vagues du crépuscule broutent le Sacré-Cœur. Ô Paris, gare centrale, débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Seuls, les marchands de couleurs ont encore un peu de lumière sur leurs portes. La Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens m'a envoyé son prospectus. C'est la plus belle église du monde. J'ai des amis qui m'entourent comme des garde-fous. Ils ont peur, quand je pars, que je ne revienne plus. Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons, avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie. Bella, Agnès, Catherine, et la mère de mon fils en Italie, et celle, la mère de mon amour en Amérique. Il y a des cris de sirène qui me déchirent l'âme. Là-bas, en Mandchourie, un ventre tressaille encore comme dans un accouchement. Je voudrais n'avoir jamais fait mes voyages. Ce soir, un grand amour me tourmente, et malgré moi je pense à la petite Jeanne de France. C'est par un soir de tristesse que j'ai écrit ce poème en son honneur. Jeanne, la petite prostituée. Je suis triste. Je suis triste. J'irai au Lapin Agile me ressouvenir de ma jeunesse perdue et boire des petits verres. Puis je rentrerai seul. Paris, ville de la tour unique, du grand gibet et de la roue.